en fumée dans la location. Là j'accélère la désensation. Je fais des délits là-bas dans le caleçon. Et je fais le signe violent, célébration. Ne te mêle pas de nos conversations. Au quartier ça tombe pour association. Pour braquer la snap, faire des rotations. Y'a pas que Chili Schmitt qui a des convocations. Un peu de vodka au fruit de la passion. À deux doigts de faire sauter la caution. Tout le monde caresse quand je suis à la station. Y'a mon disque d'or à l'alimentation. C'est à tout laisser. Je traînais la maman pour moi, elle s'inquiétait. Maintenant je fais de la zika, je fais danser les tika tout l'été. Je suis pas un héros, je peux pas tout remettre à zéro. Déjà rapte avant l'apéro, avec les sancho les frérots. Moi j'ai des trucs à faire, sur mon boucan à boire des verres. En ancienne y avait air, gros, je faisais mes petites affaires. Attention à tes petits pics. Tu peux nous rrrr comme un petit pit. Mais on te calcule pas, on est en gîte.